Chapitre 93. La recommandation d'aller à la prière, d'apprendre sa religion ou d'accomplir d'autres devoirs religieux avec sérénité et dignité. Allah Ta'ala dit: Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate 22, verset 32. 704. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: quand on appelle à la prière, l'iqama, n'y allez pas en courant, mais en marchant et avec sérénité. Priez alors ce qu'il reste de la salat avec le groupe et complétez seul ce que vous avez manqué. Al-Bukhari et Muslim. Muslim a ajouté dans l'une de ses versions: car celui qui se rend à la prière avec l'intention de l'accomplir est déjà en prière. 705. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il quitte à Arafah en direction de Muzdalifa en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de Arafah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit derrière lui un énorme vacarme et les cris des chameaux que les gens frappaient. Il leur fit alors un signe à l'aide de son fouet en disant: ô gens, restez calmes, car les actes d'obéissance ne se font certainement pas dans la précipitation. Al-Bukhari et Muslim en partie.